mon amour, je te sens pas, mon amour, dis-moi ce que j'ai fait. Pense à toi, ah, et se fait t'en parler. I will chase you. T'es si lent, t'es si lent, j'ai des culpabilités, font me guérir à nous. Sentez plus simple fin, je suis mon monster, sans me mettre en le verre. Tu te fasses mon amour, tu t'es plus qu'une ombre, reviens-moi. C'était pour nuit veille, si le bruit te pressait, je te pardonne. Viens vers moi, vincette, pour valer, I will chase you. Mon appétit s'enfant, moi je t'en veux, I will chase you.